si vous voulez dire j'ai su au passé simple enjoueur, c'est le point dans le passé, ça serait, hein, vous savez, le point pour j'ai su. Il tombait dans la soupe. Ah oui, soupe. Soupe. Hein? Soupe, c'est j'ai su. Un point du passé. Tandis que la ligne continue de saber, hein, pour je savais, c'est s'habille. Encore une fois, s'habille. S'habille. D'accord. Je ne savais pas que vous alliez arriver aujourd'hui. Je ne savais pas. No sabía. No sabía que. Que. Vous, hein, usted, alliez arriver aujourd'hui. Iba a llegar. Encore une fois. Iba a llegar. Iba a llegar, hein, c'est ça, aujourd'hui. Hoy. Bien. No sabía que iba a llegar hoy. Et si c'est ustedes, que iban a llegar. Et si c'est tu, que tu allais arriver, que ibas a llegar. Je n'avais pas le temps. Ça sera no. No tenía tiempo. Oui, c'est ça. No tenía tiempo. No tenía tiempo. J'étais occupé. Estaba ocupado. Estaba ocupado. Ou ocupada, si vous êtes une femme. Mais je n'ai pas eu le temps. À ce moment-là, ça sera, hein, je n'ai pas eu le temps. No tuve tiempo. No tuve tiempo. Hein? D'accord. J'ai été très occupé. J'ai été, hein, au passé du point. Donc, sans plongeoir, es. Estuve. C'est ça. Estuve, hein? Estuve ocupado. Ou ocupada.